J'aime bien le vent qui souffle au bord de mer, pour mon cerf-volant qui s'envole dans les airs. J'aime tant la pluie qui frappe à ma fenêtre, quand tard dans la nuit je m'endors sous la couette. J'aime bien le bruit de tes pas sur la grève, le ciel qui rougit lorsque le jour s'achève, le son de ta voix quand tu me téléphones, le chien qui aboie et le chat qui ronronne. J'aime aussi le chant des oiseaux sur la plaine et le bruit de l'eau qui sort de la fontaine, et le chocolat chaud du petit matin, tous ces petits bonheurs qui nous font du bien. J'aime la nature, même les insectes, pas toujours si sûr que l'homme la respecte. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel géant, le parfum des fleurs quand arrive le printemps. J'aime le pierrot, léger comme une plume, qu'on voit tout là-haut, sur son croissant de lune. Toutes ces histoires qu'on raconte aux enfants, qu'on voudrait bien croire dans le monde des grands. J'aime quand on rit, les journées de fête, nos peines, nos soucis vont aux oubliettes. Que le monde puisse s'aimer à l'unisson, et que tout finisse que par des chansons. Que le monde puisse s'aimer à l'unisson, et que tout finisse que par des chansons.